Arrête de remuer tes cheveux quand je suis assis derrière toi. Arrête de remuer tes cheveux. J'ai des fourmis au cœur et puis au bras. Arrête de remuer tes cheveux. Ça me rend vraiment malheureux. Arrête de remuer tes cheveux. Sarah, arrête de remuer tes cheveux. C'est pour moi comme une provocation. Arrête de remuer tes cheveux. Attache-les, tes jolis cheveux blonds. Arrête de remuer tes cheveux, ou je vais devoir t'embrasser. Arrête de remuer tes cheveux. Sarah, arrête de remuer tes cheveux. Ça me donne tellement envie. Arrête de remuer tes cheveux. Je serai tout seul cette nuit. Arrête de remuer tes cheveux. Un jour, tu me feras mourir. Mourir, mourir de tes cheveux. Sarah.